Ok. J'rappe mes rêves, toujours dev quand je taffe les textes. À l'affût quand ça passe les pêtes. J'suis content quand je brasse des pièces, quand je masse des fesses, quand l'interrogatoire est bref. Bref, si j'm'arrache une villa, non c'est trop banal. J'veux une cabane et un gros cigare au canard. On peut changer comme le dit Obama. Donc j'me casse d'ici tant qu'il fait chaud là-bas. Pas de cocktail, tant qu'il y a de l'eau j'la bois. J'rappe mes rêves pendant que les autres aboient. Mec, j'suis cool même si j'ose la voix. Cette putain de vérité, dis-moi qui ose la voir. Mec, j'm'arrache mais c'est pas coquillage et crustacé. Le bonheur pour les frères, pour moi c'est juste assez. Avant que ça dérape, on aurait pu se casser. Mais j'aurais jamais su ce qui aurait pu se passer. Si j'm'arrache, j'roule des pets et j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. Si j'm'arrache, j'roule des pets et j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. C'est pas que si j'm'arrache, moi, je vais voir des trucs à m'en décrocher la mâchoire. Et dans un pays chaud, où après deux tapes, je m'assois. Je veux des plages, des cocktails et des massages. Je veux pas que dans la rue tout le monde marche sale. Je veux pas d'une vie remplie de journalistes à mon merci. Même si tu me supplies, je te répondrai non merci. M'en fous que les gens soient riches et sexy. Un endroit pour moi, j'ai pas l'impression que ça existe. C'est comme le rap, moi tu sais, du moment que je m'exprime. C'est comme la def, la libération de mon esprit. Je vais pas bien dans ma tête, y'a pas grand chose pour régler ça. Même un petit vol en charter, rien à foutre, c'est pas ça tech. Impossible, tu me vois pas screen. Sur les yeux la casquette, fais péter la vodka pastèque, frère. Ouais, fais péter la vodka pastèque. Si je m'arrache, je roule des pets, j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. Si je m'arrache, je roule des pets, j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. Si je m'arrache au soleil avec ma petite femme, ça sera pas pour faire de zen ni avoir de petites fans. Ne plus jamais stresser, ne plus connaître la tikva. De là où je serai, j'enverrai des cartes à ma mifa. J'aurai ma petite habitation à côté de la mer. Deux, trois plantations pour être def sa mère. Le mot d'ordre, c'est ne pas avoir de stress. Pour ne pas avoir la haine, t'inquiète, tiens ma princesse. Je vois que les soucis cessent, les ennuis se testent. Dans mon paradis, y'aura pas de malaise. J'ai mes objectifs, j'ai fait ma liste. Là-bas, ce sera le kiff, du bonheur plein les valises. Viens pas contester mes valeurs. Là-bas, ce sera le soleil qui me donnera l'heure. J'aurai une drôle de gueule, une drôle d'allure. Loin l'Europe, boycott la Côte d'Azur. Si je m'arrache, je roule des pets, j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. Si je m'arrache, je roule des pets, j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. Après dire, moi partir, ça ne me convient pas, je suis bien où je suis. Qu'est-ce que j'irai faire ailleurs? Je me vois pas tout plaquer, changer de vie pour un monde meilleur. Recommencer, c'est chaud et l'échec, j'en ai peur. Terre à terre, peut-être, mais je reste un rêveur. Freestyle live on the air, je plane pendant des heures. Je me vois pas millionnaire ou grand voyageur. Je voulais dire, je t'aime à ma mère, à mon frère, à mes soeurs. Donne me vider la tête. Moi, j'aime pas quand tu pleures, les gens, je les emmerde, moi. Je rappe avec le cœur, je m'écarte du thème, certes. M'arracher, t'es fou moi, j'aime trop mon secteur. Si je m'arrache, je roule des pets, j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas. Si je m'arrache, je roule des pets, j'tise ma race sur la plage. Calme, loin des petits rapaces, loin de mon petit appart avec mes 10 apaches. Si ça marche, cousin, on te le dira pas.